Livre premier, La guerre entre quatre murs, chapitre 24, Prisonnier, des Misérables par Victor Hugo. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Marius était prisonnier en effet, prisonnier de Jean Valjean. La main qui l'avait étreint par derrière au moment où il tombait, et dont, en perdant connaissance, il avait senti le saisissement, était celle de Jean Valjean. Jean Valjean n'avait pris au combat d'autre part que de s'y exposer. Sans lui, à cette phase suprême de l'agonie, personne n'eût songé aux blessés. Grâce à lui, partout présent dans le carnage comme une providence, ceux qui tombaient étaient relevés, transportés dans la salle basse et pansés. Dans les intervalles, il réparait la barricade. Mais rien qui pût ressembler à un coup, à une attaque ou même à une défense personnelle ne sortit de ses mains. Il se taisait et se courait. Du reste, il avait à peine quelques égratignures. Les balles n'avaient pas voulu de lui. Si le suicide faisait partie de ce qu'il avait rêvé en venant dans ce sépulcre, de ce côté-là, il n'avait point réussi. Mais nous doutons qu'il eût songé au suicide, acte irréligieux. Jean Valjean, dans la nuit épaisse du combat, n'avait pas l'air de voir Marius. Le fait est qu'il ne le quittait pas des yeux. Quand un coup de feu renversa Marius, Jean Valjean bondit avec une agilité de tigre, s'abattit sur lui comme sur une proie et l'emporta. Le tourbillon de l'attaque était en cet instant-là si violemment concentré sur Enjolras et sur la porte du cabaret que personne ne vit Jean Valjean, soutenant dans ses bras Marius évanoui, traverser le champ dépavé de la barricade et disparaître derrière l'angle de la maison de Corinthe. On se rappelle cet angle qui faisait une sorte de cap dans la rue. Il garantissa des balles et de la mitraille, et des regards aussi, quelques pieds carrés de terrain. Il y a ainsi parfois dans les incendies une chambre qui ne brûle point, et dans les mers les plus furieuses, en deçà d'un promontoire ou au fond d'un cul-de-sac d'écueil, un petit coin tranquille. C'était dans cette espèce de repli du trapèze intérieur de la barricade qu'Éponine avait agonisé. Là, Jean Valjean s'arrêta. Il laissa glisser à terre Marius, s'adossa au mur et jeta les yeux autour de lui. La situation était épouvantable. Pour l'instant, pour deux ou trois minutes peut-être, ce pan de muraille était un abri. Mais comment sortir de ce massacre? Il se rappelait l'angoisse où il s'était trouvé rue Polonceau, 8 ans auparavant, et de quelle façon il était parvenu à s'échapper. C'était difficile alors, aujourd'hui c'était impossible. Il avait devant lui cette implacable et sourde maison à 6 étages qui ne semblait habitée que par l'homme mort penché à sa fenêtre. Il avait à sa droite la barricade assez basse qui fermait la petite truanderie. Enjamber cet obstacle paraissait facile, mais on voyait au-dessus de la crête du barrage une rangée de pointes de baïonnettes. C'était la troupe de ligne, posté au-delà de cette barricade et aux aguets. Il était évident que franchir la barricade, c'était aller chercher un feu de peloton, et que toute tête qui se risquerait à dépasser le haut de la muraille de pavé servirait de cible à 60 coups de fusil. Il avait à sa gauche le champ du combat. La mort était derrière l'angle du mur. Que faire? Un oiseau seul eût pu se tirer de là. Et il fallait se décider sur le champ. Trouver un expédient, prendre un parti. On se battait à quelques pas de lui. Par bonheur, tous s'acharnaient sur un point unique, sur la porte du cabaret. Mais qu'un soldat, un seul, eut l'idée de tourner la maison ou de l'attaquer en flanc, tout était fini. Jean Valjean regarda la maison en face de lui. Il regarda la barricade à côté de lui, puis il regarda la terre, avec la violence de l'extrémité suprême, éperdue. Et comme s'il eût voulu y faire un trou avec ses yeux. À force de regarder, on ne sait quoi de vaguement saisissable dans une telle agonie se dessina et prit forme à ses pieds, comme si c'était une puissance du regard de faire éclore la chose demandée. Il aperçut à quelques pas de lui, au bas du petit barrage si impitoyablement gardé et guetté au dehors, sous un écroulement de pavés qui la cachait en partie, une grille de fer posée à plat et de niveau avec le sol. Cette grille, faite de forts barreaux transversaux, avait environ 2 pieds carrés. L'encadrement de pavé qui la maintenait avait été arraché et elle était comme descellée. À travers les barreaux, on entrevoyait une ouverture obscure, quelque chose de pareil au conduit d'une cheminée ou au cylindre d'une citerne. Jean Valjean s'élança. Sa vieille science des évasions lui monta au cerveau comme une clarté. Écarter les pavés, soulever la grille, charger sur ses épaules Marius inerte comme un corps mort, descendre avec ce fardeau sur les reins, en s'aidant des coudes et des genoux, dans cette espèce de puits heureusement peu profond, laisser retomber au-dessus de sa tête la lourde trappe de fer sur laquelle les pavés ébranlés croulèrent de nouveau, prendre pied sur une surface dallée à 3 mètres au-dessous du sol, cela fut exécuté comme ce qu'on fait dans le délire, avec une force de géant et une rapidité d'aigle. Cela dura quelques minutes à peine. Jean Valjean se trouva, avec Marius toujours évanoui, dans une sorte de long corridor souterrain. Là, paix profonde, silence absolu, nuit. L'impression qu'il avait autrefois éprouvée en tombant de la rue dans le couvent lui revint. Seulement, ce qui l'emportait aujourd'hui, ce n'était plus Cosette, c'était Marius. C'est à peine maintenant s'il entendait au-dessus de lui, comme un vague murmure, le formidable tumulte du cabaret pris d'assaut. Fin du chapitre 24.